Conte de fées en français. Le joueur de flûte. Il était une fois, il y a très longtemps, dans un grand royaume, vivaient un roi et une reine qui étaient très amoureux l'un de l'autre. Ils vivaient une vie agréable et heureuse dans leur château. Mais un jour, le roi se sentit las et un peu agité à la fois. Il voulait sortir et partir en bataille pour tester sa force. Alina, ma chérie, tu te souviens de ces jours glorieux quand je combattais au cours de grandes batailles? Oh oui, tu étais très courageux à l'époque. Étais? Ça veut dire que tu penses que je ne suis plus courageux? Je n'ai jamais rien dit de tout cela, mon chéri. Je pense que tu es le plus courageux guerrier de tout ce monde. Moi aussi, je le pense. Mais ces jours glorieux que j'ai connus me manquent. J'aimais conquérir les autres royaumes et voir tous ces grands guerriers s'incliner devant ma puissance. Eh bien, tu n'as jamais vraiment conquis de territoire, tu sais bien, mon chéri. Et des guerriers qui s'inclinent devant toi? Je ne me rappelle pas avoir jamais entendu dire que... Oh, peu importe. Je dis juste que... J'aimerais bien repartir un peu et revivre ces jours glorieux. Si c'est ce que tu veux, je ne t'arrêterai pas. Fais comme tu veux. Mais s'il te plaît, reviens sain et sauf, car tu vas beaucoup me manquer. Oh, je rentrerai très vite, ma chérie. Le roi rassembla vite ses soldats et ordonna qu'ils entrent en guerre contre le royaume voisin. J'ai entendu parler de ce roi cruel qui règne sur ce territoire. Je vais venger le peuple de ce royaume et tous les libérer. Le roi Brian et son armée se battirent avec force et courage contre le vilain roi. Mais à la fin, le roi Brian perdit la bataille et lui et ses troupes furent faits prisonniers dans les donjons du roi cruel. Ici, le pauvre roi était privé de nourriture et maltraité. On le garda enfermé plusieurs jours et il devint vite très maigre et très faible. Un jour, il vola un papier et une plume à un garde endormi et il écrivit une lettre à sa reine, Alena. « Ma reine, je suis enfermée dans le donjon du vilain roi. S'il te plaît, ramène tout l'or, tous les bijoux et toutes les autres richesses que nous possédons et viens me sauver de cette situation. Dépêche-toi, ma chérie, je t'en prie. » Le roi sortit un bracelet qu'il avait caché dans ses vêtements. Il portait l'emblème royal de son royaume, reconnaissable entre tous. Il enroula le bracelet autour de la lettre et le jeta dehors par un trou dans le mur. J'espère que quelqu'un la trouvera. J'espère juste que ce ne sera pas l'ennemi. Le bracelet était très brillant. Alors, il attira l'attention d'un oiseau. Le petit oiseau monta sur le rouleau et s'en saisit par le bracelet. Il vola au-dessus des terres et finit par s'arrêter pour se reposer près d'un homme qui s'était assis pour se reposer sous un arbre. Oh, salut! Qu'est-ce que tu m'as apporté? Un bracelet? Oh, il porte l'emblème de notre roi! Comment est-ce arrivé jusqu'ici? C'était un homme simple et honnête. Alors, il décida de se rendre immédiatement au palais pour apporter le rouleau. En arrivant, il alla directement parler à la reine. « Ma reine, j'ai trouvé ceci quand j'étais à la campagne. Cela pourrait être important, alors je vous l'ai amené. » « Merci, monsieur. » L'homme prit congé, suite à quoi la reine Alena se mit à lire la lettre immédiatement. « Perdu la guerre? Prisonnier? Oh non! » Mon amour s'est fait enfermer dans un autre royaume. Oh, que puis-je faire? Si je vais moi-même au palais du roi cruel, il pourrait me faire prisonnière aussi. Et je ne peux faire confiance à personne sur notre immense fortune. Alors, la reine réfléchit à un plan pour sauver son cher et tendre des griffes du roi démoniaque. La nuit venue, elle coupa ses longs cheveux et s'habilla d'une cape sombre. « Je ressemble vraiment à un jeune garçon. J'espère que le méchant roi va se faire avoir. » Elle emporta avec elle une flûte et s'esquiva du palais. La reine Alena marcha dans la nuit en espérant que tout se passerait bien le lendemain. Quand le soleil se leva, elle arriva au royaume du vilain roi. Elle alla au palais pour rencontrer le roi et arriva en se sentant très nerveuse. « Qui es-tu? Et pourquoi es-tu venu dans mon royaume? Bonjour, votre majesté, Je suis un joueur de flûte nomade d'un royaume lointain. J'ai entendu parler de votre grandeur et j'ai décidé de venir vous jouer un de mes morceaux de flûte. Oh! Et tu penses que tu joueras assez bien pour que ça me plaise? Comme c'est drôle! S'il vous plaît, laissez-moi juste vous jouer un seul morceau. Je vous promets que vous n'avez jamais entendu quelque chose d'aussi joli que ce que je vais vous jouer. Très bien, comme tu voudras. Mais attention, mon garçon, si je n'aime pas ce que tu joues, je t'enfermerai avec tous les autres prisonniers que j'ai ici. La reine Aléna était heureuse car elle venait de piéger le roi et accepta donc sa condition. Elle sortit sa flûte et se mit à jouer un très beau morceau. Le roi fut émerveillé à la beauté de l'air qu'elle jouait. Très vite, il fut hypnotisé par les notes douces et mélodieuses qui sortaient de la flûte tenue par les doigts de la reine Aléna. Elle joua encore un moment avant de terminer son morceau. Waouh ! En effet, c'était vraiment très beau. Tu avais raison. Je n'avais jamais entendu une si belle musique de toute ma vie. Pourquoi ne resterais-tu pas un peu dans mon palais pour jouer pour moi? Je suis désolée, votre majesté, mais mes airs sont seulement beaux parce que je voyage beaucoup. Les choses belles et nouvelles que je découvre sont ce qui me rendent ma musique si jolie. Je vois ce que tu veux dire. Très bien. Que puis-je donc te donner comme récompense alors? La reine Aléna sourit en entendant cela. C'était enfin là sa chance à saisir. Eh bien, votre majesté, vous venez de dire que vous avez beaucoup de prisonniers. Pourquoi ne pas m'en donner un qui deviendrait mon compagnon de voyage? Cela me ferait très plaisir. Et c'est tout? Je pourrais